Section 86 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La lecture, tome 7e. Section 86. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages. Par Adolphe Burdeau. Chapitre 12. Traînage des canots, la Rouhouimi, le Stanley Pool, encore des cataractes, mort de Frank Pocock, famine, salut à la mer. Stanley opta pour la lutte contre les hommes. Faisant jeter l'ancre à ses canots, il ordonna de diriger un feu nourri sur les indigènes qui, de la rive, assaillaient l'expédition d'une grêle de flèches. Quant à lui, accompagné de quelques intrépides, et protégé par ce tir, il opéra un débarquement audacieux, culbuta les sauvages et les repoussa dans les bois. Après quoi, il s'établit sur le bord du fleuve, à l'abri d'une forte palissade derrière laquelle on pouvait attendre de pied ferme le retour offensif de l'ennemi. C'est certainement à ce moment-là que l'explorateur eut à accomplir la portion la plus difficile, la plus prodigieuse de son œuvre, contourner les cataractes, traîner ses embarcations à travers les forêts, les relancer plus loin sur le fleuve, tout cela au milieu de populations hostiles qui s'opposaient au passage des étrangers et les attendaient sous les bois pour les exterminer. Une fois le premier camp établi sur le rivage, Stanley divisa son corps d'expédition en deux bandes. L'une devait travailler de nuit, l'autre pendant le jour. Quant à lui, avec un détachement de 20 pionniers, gens d'élite, armés de haches et de fusils, il s'enfonça dans la forêt pour ouvrir la voie. On marquait les grands arbres qui devaient servir de jalons, et à chaque demi-mille, on construisait un camp de repos. Derrière l'avant-garde qui éclairait la route et préparait la halte, venaient les embarcations, traînées chacune par 60 hommes, les uns attelés à des cordes de rotan, les autres qui poussaient. Quand on en avait fini avec un canot, on allait en quérir un second, et ainsi de suite pour les 23. Car l'on ne reprenait la marche que quand toute la flottille était réunie au même point. Alors, on avançait d'un demi-mille, on formait un nouveau camp, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteignît le fleuve en amont de la cataracte. Là, on relançait les bateaux sur leur élément. Ce fut un travail de titan. Des frondes de palmiers desséchées, des bottes de roseaux également sèches, furent enduites de gommes résines, attachées en guise de falots à de grands arbres et allumées pour éclairer la jungle pendant la nuit. Cependant, repoussés de la rive, les sauvages s'étaient ralliés et attendaient, embusqués dans les fourrés, le passage des travailleurs. Il fallut protéger la colonne par des vedettes qui tiraillaient de droite et de gauche contre les assaillants. Chaque bosquet, chaque hallier, étaient transformés en autant de forts crénelés d'où les naturels lançaient des flèches par centaines. Pour atteindre et déloger l'ennemi, on devait avancer à la rampée, se battre dans la jungle, emporter les barricades d'assaut et forcer le passage à coups de fusil. Mais les bandes hostiles se reformaient plus loin, et le traînage des canots ne put s'effectuer qu'en combattant à toute heure du jour et de la nuit. Se figure-t-on ce spectacle? Les noirs zanzibarites, que déjà les ténèbres effrayent tant, attelés à des canots, en pleine forêt vierge, et opérant ce travail herculéen à la lueur des torches. Nul ne parle. On n'entend que les respirations haletantes, oppressées de gens qui n'en peuvent plus, et qui mettent dans une poussée suprême tout ce qui leur reste de force. Puis tout à coup éclate le cri de guerre des sauvages. La forêt retentit de hurlements sinistres, une grêle de flèches s'abat, lancée par des mains invisibles. Mais les défenseurs sont là qui veillent. Les détonations déchirent les airs, les balles sifflent. Tous les coups portent, car on se bat corps à corps. Alors c'est un concert de gémissements des blessés et des morts, de vociférations, d'appels lugubres. Le passage est forcé, on avance malgré tout, mais l'ennemi a dressé partout des embûches, et l'on n'a pas un moment de répit. Il fallut 78 heures de ces terribles efforts pour contourner une seule cataracte. Et rien qu'en cet endroit, appelé chute de Stanley, Stanley Falls, il y en a une série de 7. La joie qu'éprouvaient les voyageurs à revoir le fleuve était bien vite éteinte par le bruit sourd d'une cataracte nouvelle qui se trahissait au loin par une ligne blanche d'écume et d'embrun. Alors ils devaient aborder de nouveau, tirer les bateaux hors du fleuve et les transporter par monts et forêts jusqu'au-delà du rapide, au prix de fatigues et de périls sans cesse renaissants. On doit s'incliner devant la force d'énergie et de volonté qu'il a fallu à un Européen pour obtenir d'une poignée de nègres en pleine Afrique inconnue une telle somme de travail et de courage. Les cataractes proviennent, on le comprend, du rétrécissement du fleuve, comprimé en cet endroit par les falaises rocheuses des îles et l'escarpement des rives. Ainsi, à 1 mille en amont des chutes, le Congo a une largeur de 1 200 mètres, et subitement il se trouve étranglé, forcé de couler dans un canal de 40 mètres. Le reste de sa largeur étant occupé par des îles montagneuses et par sa branche maîtresse qui n'a pas 500 mètres. À mesure qu'il se contracte, son courant s'accélère, court pendant quelques centaines de mètres avec une vitesse vertigineuse, et tombe d'une hauteur de 10 pieds dans un gouffre où ses eaux bouillonnantes forment des vagues brunes de 6 pieds de hauteur, qui bondissent et se ruent les unes contre les autres avec une incroyable furie. Et ce fleuve prodigieux s'élance tout entier par cette brèche. À la dernière des chutes de Stanley, le Congo ne tombe pas, il se précipite. À gauche, 50 mètres d'eau furieuse, d'un courant irrésistible. À droite, une cataracte de 500 mètres de large. En aval, 1 ou 2 milles de chutes, de rapides, de tourbillons qui se dressent pareils à des collines. Et des deux côtés de ces horreurs, les cannibales qui guettent. Telle fut la vie des voyageurs pendant les 3 semaines, du 6 au 28 janvier, qu'ils mirent à accomplir ce labeur ingrat. La lutte avec les chutes Stanley. Quand le dernier rapide fut franchi, ils descendirent le courant en toute hâte pour échapper au bruit de ces cataractes maudites, qui depuis tant de jours et de nuits les assourdissaient de leurs rugissements. En cet endroit, le Congo s'infléchit à l'ouest-nord-ouest et coule entre des rangées de collines, où des bois impénétrables à la clarté du jour étendent leur ombre aussi épaisse que celle du soir. On se retrouve dès lors sur un fleuve magnifique dont les eaux calmes semblent pleines de promesses. Les terribles incidents des dernières semaines n'ont abattu personne. L'espoir, ce rêve de l'homme éveillé, renaît au cœur de chacun. Sorti vivant de la lutte, pouvant encore admirer la nature, Européens et Zanzibarites, tous se trouvent suffisamment récompensés et une étrange élasticité se fait sentir dans tout leur être. Les bateliers chantent leurs plus entraînantes barcaroles, dont les membres de l'expédition répètent avec enthousiasme les refrains joyeux. Hommes, femmes, enfants s'entretiennent dans cette insouciante ardeur, dans cet entrain qui fait leur force. Car avec leur caractère, si le temps de réfléchir leur était laissé, ils s'abandonneraient à l'inquiétude, à la tristesse, se rappelleraient ceux qui ont succombé là-bas et penseraient qu'un sort pareil les attend. Mais hélas, ce calme fut de courte durée. La lutte contre les éléments étant pour l'instant terminée, restait la lutte contre les hommes, et ceux-ci ne firent point de trêve. Depuis le 23 novembre jusqu'au 29 janvier, on avait déjà livré 24 combats. Tantôt les indigènes barraient le passage avec leurs canots, tantôt ils refusaient de vendre des vivres, et alors on enlevait d'assaut un village pour ne pas mourir de faim. Dans ces luttes, Stanley avait ramassé 65 grands boucliers, pareils à des portes, qui rendaient à l'expédition de bien précieux services. Dès que commençait un combat sur le fleuve, ces boucliers étaient dressés devant les tireurs par les femmes, par les enfants et par les non-combattants. À l'abri de ce rempart, les gens de Stanley restaient calmes et confiants, de sorte que les 43 fusils qu'on possédait étaient plus efficaces que ne l'auraient été 50 carabines découvertes. Protégés de la même façon, les timoniers pouvaient gouverner habilement pendant l'action, sans crainte des lances et des flèches qui pleuvaient autour des embarcations. On commençait à être réellement las de guerroyer chaque jour. L'épreuve durait depuis trop longtemps. Ce n'était pas seulement de la fatigue qu'on éprouvait, mais on se sentait aigri par cette inimitié incessante. Aucun repos pour ces infortunés. L'homme les repoussait, la forêt même les rejetait, car elle n'offrait rien qui pût servir à leur subsistance. Stanley pensa voyager de nuit, mais savait-on ce qu'il y avait en aval? On pouvait s'abîmer d'un seul coup au fond d'un rapide. Et à qui demander des détails sur la route, alors que tout ce qui avait forme humaine hurlait de rage et brandissait des lances à la seule approche des étrangers. C'est dans ces conditions que l'on arriva au point confluent du Congo avec son grand tributaire nord, la rivière Aruhuimi, dont l'embouchure a une largeur de 3 kilomètres. Stanley voulut en visiter les rives, mais à peine est-il entré dans la rivière que de tous les côtés apparaissent au loin des canots ennemis, dont les équipages poussent de grands cris et sonnent de la trompe avec force. Bientôt, les voyageurs sont frappés d'un spectacle qui fait tressaillir toutes leurs fibres et éveille non seulement l'intérêt le plus vif, mais aussi les plus grandes appréhensions. Une flottille de canots, dépassant par le nombre et l'énormité tout ce que l'on avait rencontré jusqu'alors, fondée sur l'avant-garde de l'expédition. Le Lady Alice, commandé par Stanley, a pris position à 50 mètres en avant des autres bateaux. Frank, avec l'océan, est sur le flanc droit. La gauche est protégée par un autre canot, le London, monté par un équipage d'élite. Entre eux sont massées les 20 embarcations, toutes armées en guerre, femmes et enfants tenant les grands boucliers devant les tireurs pour les protéger. La force navale des ennemis est imposante. Elle compte 54 grands bateaux. La marche est ouverte par un canot monstrueux, portant sur chaque bord 40 rameurs qui pagayent debout et à l'unisson au rythme d'un chant barbare. À l'avant, sur une sorte de plateforme, se tiennent 10 jeunes guerriers coiffés des plumes caudales du perroquet gris à queue rouge. À l'arrière, 8 hommes gouvernent l'embarcation avec de longues pagayes, décorées de boules d'ivoire. Entre les deux rangs de rameurs, 10 personnages, qui paraissent des chefs, exécutent une danse guerrière. Tous les bras portent de brillants anneaux d'ivoire, toutes les têtes sont couronnées de plumes, de l'avant du canot tombe une frange épaisse faite de fibres difénées qui traînent dans l'eau. C'est un spectacle d'une grandeur inouïe. Le bruit éclatant des énormes tambours, celui de 100 trompettes d'ivoire, le chant strident de 2000 voix humaines, tout annonce un combat colossal. Stanley se tourne vers ses hommes. « Soyez fermes comme des rocs » crie-t-il. « Attendez la première lance. Après cela, tirez, mais visez juste. Ne faites pas feu tous ensemble. Gardez votre coup jusqu'à ce que vous soyez sûr de votre homme. » Ne songez pas à la fuite, elle est impossible. Vous n'avez de salut à attendre que de vos fusils. » À cet instant, le canot monstre fond sur le Lady Alice, comme s'il le voulait couler. Arrivé à 50 mètres, il se détourne. Quand il est par le travers, les guerriers de l'avant décochent une bordée de lances, tandis que les pagayeurs se couchent. Une vive fusillade les accueille. La fumée masque un instant toute la scène. Quand elle se dissipe, on peut voir l'ennemi se reformer à 100 brasses en amont. Le sang de Stanley bouillonne. Pour la première fois, assure-t-il, il se sentit haïr ces goules hideuses qui l'attaquent. Il fait lever l'ancre et les poursuit près de la rive, jusqu'à un détour de la berge. Une pointe est doublée, voici les villages, les ennemis abordent. Stanley aussi gagne la rive, débarque. Et alors c'est une bataille en règle dans les rues, une tuerie abominable, car les sauvages ne veulent pas se décider à lâcher pied. Enfin, ils sont chassés dans les bois, on fait sonner la retraite, et Stanley donne à ses hommes un repos qu'ils ont bien gagné. On continua donc à descendre le fleuve, mais jour et nuit, sur les deux rives, on n'entendait que le roulement du tambour, les clameurs des olifants qui appelaient les populations aux armes. Les voyageurs étaient épuisés. Tel un cerf, après avoir plusieurs fois échappé aux chiens, à bout de force et de stratagèmes, inondé de sueur, perçoit de nouveau les aboiements de la meute acharnée à sa poursuite, et de guerre lasse tombe et meurt. Il n'y avait pas 30 hommes qui n'eussent reçu au moins une blessure. Sans doute, pensaient-ils tous, un jour ou l'autre nous nous coucherons désespérés, tendant la gorge aux cannibales comme les agneaux aux bouchers. Le 31e combat, livré contre les Bengalas, fut pour Stanley une révélation. Pour la première fois, il rencontrait sur le fleuve des sauvages armés de fusils, et tirant non avec des balles, mais avec des lingots de plomb. C'était un redoublement de danger, mais c'était aussi l'indice qu'on approchait de la côte ou d'un endroit où se trouvaient des factoreries européennes. C'est là d'ailleurs que cesse la région réellement hostile. Après le 32e combat, qui fut le dernier, l'expédition arriva à la grande expansion lacustre du Congo, que l'on nomma plus tard Stanley Pool. Vaste étang qui occupe un espace de 30 000 carrés. Dès lors, l'immense pays sauvage que l'on venait de percer au moyen du plus grand cours d'eau de l'Afrique se présente sous des couleurs moins sombres. Plus d'attaques furieuses d'indigènes, plus de combats désespérés. Le trafic avec les comptoirs européens a fait perdre au naturel leur férocité native. Ils ne ressentent plus, à la vue des étrangers, la fureur des bêtes de proie. Mais si ce péril-là est écarté, reste la colère du fleuve qui réédite en ces lieux les horreurs de ses effrayantes cataractes. À partir du Stanley Pool, ce n'est plus ce cours d'eau majestueux dont la beauté mystique, la noble grandeur, le flot calme et ininterrompu sur une distance de 1 450 km, avait eu pour les voyageurs un charme irrésistible en dépit de la férocité des tribus qui hantent ses bords. Non, c'est un torrent furieux, roulant dans un lit profond obstrué par des récifs de lave, des projections de falaises, des bancs de roches erratiques, traversant des gorges tortueuses, franchissant des terrasses et tombant en une longue série de chutes, de cataractes et de rapides. Après les 32 combats contre les sauvages, recommençait la lutte avec le Congo, dans la profonde et large déchirure qui des hauts plateaux descend vers l'Atlantique. Cette partie du fleuve est terrifiante. Que l'on s'imagine un bras de mer de 4 000 de long sur un demi-mille de large, secoué par un ouragan, et l'on se fera une idée assez juste des vagues énormes qui tourbillonnent dans cet abîme. Quelques-uns des entre-deux des lames ont 100 mètres de longueur, et de l'un à l'autre, le fleuve se précipite avec frénésie. D'un premier élan, il tombe à fond d'un creux immense, puis, par la force acquise, l'énorme volume d'eau se relève à pic, réunit ses flots en chaîne continue, et s'élance d'un jet à 20 ou 30 pieds de hauteur, avant de s'écrouler dans une nouvelle auge. Partout, en amont et en aval, des vagues formidables, des croupes, des collines bondissantes, se résolvant en écume et en embrun, des montagnes liquides se bousculant avec rage, tandis qu'un ressac furieux enveloppe la base des deux rives formées d'une ligne de quartiers de roches empilées les uns sur les autres. Tout cela se heurte en un fracas étourdissant, qui ne se peut comparer qu'au tonnerre d'un train express passant sous un tunnel. Stanley fut donc contraint de recommencer en cet endroit le portage de ses canots, et si cette fois il n'eut pas à repousser les attaques des indigènes, en revanche, les difficultés de ce travail s'accrurent notablement en raison de la nature même du pays. Car là, il ne s'agissait pas de traîner les canots à travers les forêts, mais bien de les hisser par-delà les montagnes pour contourner cette nouvelle série de cataractes. Et l'effort fut immense. C'est à ce moment-là que périt le dernier Européen qui accompagnait Stanley, l'infortuné Frank Pocock. Contrairement aux instructions qui lui avaient été données, il voulut franchir en canot le rapide de Massassa, et bien que très habile nageur, il fut englouti dans les eaux tourbillonnantes du fleuve. Les nègres, qui montaient l'embarcation et qui furent eux-mêmes projetés au loin, firent tout pour le sauver, mais en vain. Quand tout l'est dit, le fidèle et intrépide nautonnier accourut tout ruisselant annoncer à Stanley cette catastrophe, l'explorateur en resta atterré. « Ah, Ouledi, Ouledi !» cria-t-il. Si tu l'avais sauvé, j'aurais fait de toi un homme riche. Notre destinée est entre les mains de Dieu, répondit d'une voix faible et brisée le brave matelot, dont les actions d'éclat ne se comptaient plus, et qui avait déjà arraché à la mort plus de 20 membres de l'expédition. Cette perte fut cruelle pour Stanley. Un sort fatal semblait décidément poursuivre tous les blancs qui s'associaient à sa fortune. Et il était écrit que de tous les Européens de cette mémorable entreprise, lui seul jouirait des honneurs du triomphe. À quelques jours de là, fatigué de lutter contre le fleuve, et ayant acquis du reste la certitude que quelques journées seulement le séparaient de la côte, Stanley se décida à terminer à pied les dernières étapes de son voyage. Il avait en somme atteint son but. Le Congo était découvert. Le 31 juillet, au coucher du soleil, on lança dans la cataracte d'Isangila le Lady Alice, ce brave bateau qui avait traversé l'Afrique. Et l'expédition poursuivit par voie de terre le trajet qui lui restait à franchir. Mais hélas, le destin n'était pas encore fatigué d'éprouver ces courageux lutteurs. Une torture restait à leur infliger, la faim. Ils la connurent dans toute son horreur. Le pays était pauvre, le sol n'était guère cultivé, et les naturels refusaient de rien vendre à moins qu'on ne leur donnât du rhum en échange. Demander du rhum à des gens qui viennent de traverser l'Afrique, amère dérision. Désespéré cette fois, Stanley s'arrêta. Il écrivit en trois langues un appel suprême au premier Européen qui le recevrait et envoya trois hommes d'élite porter cette lettre n'importe où. Quant à lui, il stoppa avec le gros de la caravane. Épreuve convaincante de la contagion du courage, pas une plainte ne sortit de la bouche des pauvres affamés. Ils se jetèrent sur le sol, épuisés, mais sans s'irriter, sans gémir des tortures qui leur déchiraient les entrailles. Ils demeurèrent mornes et résignés, à l'ombre avare de quelque acacia rabougri. De temps à autre, le vagissement d'un nouveau-né et la voix grêle d'une nourrice mourant de faim arrivaient seuls à l'oreille. Mais les adultes restaient immobiles, comme sans vie, chacun recroquevillé dans sa propre souffrance. Enfin, le ciel mit un terme à ses tourments. Les courriers revinrent. Ils avaient trouvé des Européens à Boma. Ils rapportaient des vivres, une foule de bonnes choses, et surtout l'heureuse nouvelle qu'on n'était plus qu'à 4 marches de l'océan. C'était vrai. Le 9 août 1877, 999 jours après son départ de Zanzibar, l'expédition atteignait Boma, où elle rencontrait les premières factoreries européennes. Et le 11 août, elle saluait le large portail que lui ouvrait l'océan, bleu domaine de la civilisation. Le plus grand problème géographique du 19e siècle était résolu. Le cours du Congo était déterminé. Mais à quel prix? En quittant Zanzibar, la colonne d'exploration comptait 4 Européens et 366 individus de race noire. En atteignant le but du voyage, elle était réduite à 109 personnes, dont un seul homme blanc, Stanley. Avant de jouir du fruit de ses travaux, Stanley voulut accomplir un devoir sacré, celui de rapatrier les survivants de son expédition. S'embarquant avec eux sur un navire anglais, il doubla le cap de Bonne-Espérance, où une série d'ovations fêtèrent les voyageurs, et arriva à Zanzibar, où il rendit à leur patrie les braves Africains qu'il avait aidés et accompagnés dans sa course à travers le continent mystérieux. Fin de la section 86.